Europe On Air avec les centres Europe Direct. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Europe On Air, l'émission qui vous parle d'Europe et de son actualité. Votre chronique est présentée par l'association Citoyens Territoire Grand Est, Centre Europe Direct Territoire Lorrain. Aujourd'hui, on va parler des 75 ans de la déclaration Schuman. Oui Adam, on peut considérer que ce discours est fondateur de notre Union Européenne actuelle. Tout à fait, le 9 mai, on célèbre une date qui ne figure peut-être pas dans tous les manuels scolaires, mais qui a pourtant changé l'histoire de notre continent. C'est la Journée de l'Europe. Et cette année, elle prend un relief tout particulier puisqu'on célèbre les 75 ans de la déclaration Schuman prononcée donc le 9 mai 1950. Remettons un peu les choses dans leur contexte. On est en 1950, l'Europe sort à peine de la Seconde Guerre mondiale et pourtant, on parle déjà d'unir les pays. Oui, c'est ce qui rend cette déclaration si forte. En 1950, le continent est encore profondément marqué par deux guerres mondiales. L'idée de coopération entre nations, et notamment entre la France et l'Allemagne, semble presque impensable. Et pourtant, c'est précisément ce que propose Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères. Et le 9 mai 1950, dans une simple salle du Quai d'Orsay, il présente un projet imaginé avec Jean Monnet, un haut fonctionnaire visionnaire, mettre en commun la production de charbon et d'acier des deux pays. Ce geste visionnaire a posé les bases de ce qui allait devenir l'Union Européenne, marquant un tournant décisif pour la paix et la coopération en Europe. Alors dit comme ça, du charbon et de l'acier, ça n'a pas l'air très révolutionnaire. C'est vrai, mais à l'époque, c'est tout sauf anodin. Le charbon et l'acier, ce sont les ressources clés pour faire la guerre. Et en les plaçant sous une autorité commune, on rend la guerre non seulement, je cite, non seulement impensable, mais matériellement impossible. C'est une idée à la fois pragmatique et profondément politique. Bâtir la paix par l'économie, puis faire naître une solidarité de fait entre les peuples. Dit comme ça, ça paraît très technique, mais en réalité, c'est une proposition de paix, c'est une façon de dire « on va arrêter de s'affronter pour ces ressources et on va les gérer ensemble ». En mettant en commun leur production de charbon et d'acier, la France et l'Allemagne substituent la solidarité d'intérêt à la rivalité et à la rancœur. Et ce discours, il a été bien accueilli ? Eh bien, Yves, il a été salué comme un geste fort, un geste de réconciliation. Il faut imaginer, la France et l'Allemagne avaient été ennemis dans trois guerres en moins d'un siècle, et là, on propose de travailler main dans la main. Et ça a marché ? Alors oui, ça a même été le point de départ d'un mouvement historique. Quelques mois plus tard, six pays signent le traité de Paris en 1951 et créent la CECA, la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. C'est le tout premier noyau de ce qui deviendra quelques décennies plus tard l'Union Européenne. Et donc c'est pour ça que le 9 mai est devenu la journée de l'Europe. Exactement, depuis 1985, le 9 mai est officiellement la journée de l'Europe. C'est une date qui permet de célébrer la paix, la solidarité entre les peuples, la démocratie, mais aussi de rappeler que l'Union Européenne n'est pas une évidence. C'est un choix politique, collectif, qui repose sur des valeurs communes. Et aujourd'hui, à l'occasion des 75 ans de cette déclaration, c'est l'occasion de se demander qu'avons-nous construit depuis et où voulons-nous aller. Et 75 ans plus tard, on peut dire que le projet a bien grandi. Absolument, aujourd'hui l'Union Européenne, c'est 27 États membres, un marché unique, une monnaie commune, une coopération scientifique, des programmes comme Erasmus+, une action en matière de transition écologique, numérique, santé, emploi, égalité, des droits, etc. etc. Mais certains diront, l'Europe, c'est loin de nous, c'est Bruxelles, c'est des institutions qu'on ne comprend pas. C'est un reproche qu'on entend souvent et il est en partie légitime. Mais c'est justement le rôle des centres Europe Direct, c'est là qu'on intervient. Notre rôle, c'est de rapprocher l'Europe des citoyens, expliquer, écouter, débattre, informer sur leurs droits, montrer ce que l'Union Européenne change concrètement dans leur vie. Prenons un exemple, dans notre territoire, des projets concrets ont été financés par des fonds européens, que ce soit des rénovations de bâtiments, des infrastructures de mobilité douce, des formations professionnelles, des projets du tourisme durable, etc. Et ça, souvent, les gens ne savent pas que ça vient de décisions européennes. On essaie donc de donner à voir l'Europe au quotidien. C'est aussi un moment symbolique fort, non ? De parler d'unité à une époque où l'Europe fait face à beaucoup de défis. Ouais, c'est ce qui rend cette commémoration des 75 ans de la déclaration Schuman encore plus actuelle. Aujourd'hui, nous faisons face à des crises globales, guerre en Ukraine, changement climatique, transformation numérique, désinformation, remise en cause des valeurs démocratiques. Mais c'est justement dans ces moments-là que l'esprit de Schuman prend tout son sens. L'unité dans la diversité, la coopération au-delà des frontières pour défendre un avenir commun. Merci Adam, c'était la chronique Europe On Air sur Radio Fadjet présentée par l'association Citoyens et Territoires Grand Est, Centre Europe Direct, Territoire Lorrain. A bientôt pour une prochaine chronique et portez-vous bien. A bientôt.